Salut, moi c'est Harry. Arithmétique, et aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien en calcul je suis nul. Si bien qu'en mathématiques, j'ai toujours préféré mes pneumatiques. Sauf que lorsque j'ai entendu que chez Citroën, ils proposaient 50% sur le deuxième pneu, plus la pose à 1 euro seulement, je me suis écrié « Enfin une addition pas du tout gonflante !» Si bien que je me suis remis à aimer les maths tout autant que l'asphalte. Bref, merci plus merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 17 au 24 mars 2018 dans le réseau Citroën participant, conditions sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ce dimanche, le 11 mars, marquera les 40 ans de la mort de Claude François. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur la carrière fulgurante du chanteur populaire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est en effet le 11 mars 1978 que dans son appartement parisien du boulevard Exelmans, l'idole absolue des yéyés a trouvé une mort accidentelle en s'électrocutant dans sa salle de bain. Nous avons tous, enfin quand je dis nous, moi en tout cas, j'ai le souvenir de ce jour. Vous ne pouvez pas l'avoir, non, Anissa, forcément. Pour évoquer Claude François, Clo-Clo, comme disaient ses fans, et nous le faisons dans des studios qu'il a beaucoup fréquentés, nous avons convié cet après-midi Thierry Geffrotin, véritable mémoire vivante des grandes voix d'Europe 1, et le compositeur Jean-Pierre Bourterre, qui était le directeur artistique et le principal collaborateur de Claude François pendant de nombreuses années. Et Lorena Martin nous parlera en fin d'émission du Moulin de Dannemois, et vous-même, Franck, en ce vendredi, vous nous livrerez votre coup de cœur de la semaine. Et oui, avec plaisir. Pour le moment, donc, retour sur les débuts plus que prometteur du jeune Claude François. Le 27 octobre 1962, à 5h de l'après-midi, des millions de jeunes auditeurs ont l'oreille collée au transistor pour suivre leur émission favorite. Salut les copains sur Europe numéro 1 à l'époque. Au cours de l'émission, une chanson est diffusée pour la première fois. C'est l'adaptation en français d'un titre du duo de chanteurs américains les Everly Brothers. Il s'agit de Belle, Belle, Belle, une chanson qui vient de sortir en 45 tours. Là, quelques jours plus tôt, le titre passe donc à l'antenne. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. La chanson dure 2 minutes 5 secondes et immédiatement le standard de Salut les copains est saturé. Les auditeurs veulent de nouveau écouter Belle, Belle, Belle. Ils veulent en savoir davantage sur son interprète, un inconnu du nom de Claude François. Il a 23 ans à cette époque. Le jeune homme vient de l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément d'Égypte, qui au moment de sa naissance, le 1er février 1939, était encore un royaume. Claude est né à Ismaïlia, donc sur la rive ouest du canal de Suez. Son père était régulateur de trafic pour la compagnie du canal de Suez, Aimé François. C'est lui qui, enfin, il faisait partie de ceux qui étaient chargés de contrôler les navires qui entrent dans le canal. Quant à la mère de Claude, Lucia Mazzei, dite Choufa, elle est d'origine italienne. Malgré la guerre, puisqu'Ismaïlia sera bombardée par les Allemands, l'enfance de Claude est heureuse. Il dira plus tard d'Ismaïlia que c'était le paradis sur terre. La famille vit dans une villa cossue, spacieuse, construite à la fin du 19e siècle par la compagnie du canal de Suez. Tout autour, il faut imaginer les dattiers, les palmiers, enfin tout ce qu'on peut imaginer, hein, des buissons embaumant les pois de senteur. 10 mois sur 12, on peut profiter de la plage. Ismaïlia est une ville cosmopolite, s'il en fut jamais. On y parle le français, l'italien, le grec, l'anglais, bien sûr. Très tôt, la musique va prendre une place importante dans l'existence de Claude. Il est vrai que sa mère a été pianiste. Ses deux oncles ont été musiciens. C'est un peu la famille musicienne de Trenet, vous savez. L'un est violoniste, l'autre pianiste. Il est également très influencé par les musiques qu'il entend dans la rue, comme il le raconte d'ailleurs sur Europe 1. Le 13 décembre 1975, c'était au micro d'Alexandre Front dans une émission qui s'appelait « Le pays d'où je viens ». Il n'y a pratiquement que des souvenirs de chansons dans les rues d'Ismaïlia, dans les rues d'Égypte en général. Dans la rue, à chaque coin de rue, il y avait ce côté « je m'installe sur le trottoir, je suis chez moi », ça débordait dans la rue, les voitures contournent, ça les voitures klaxonnent à longueur de temps bien sûr, et on fait un rond, quelqu'un intonne, et il y a une participation générale de toute l'assemblée. Dès que quelqu'un trouve une bonne idée, il l'émet et les autres la reprennent. Et tant qu'un autre n'a pas trouvé l'idée, ben on continue sur le même thème. C'est passionnel. Et puis on en a en école, comme moi, j'ai fait pendant longtemps. Il fallait que je traverse la ville. Et quand vous traversez la ville, vous avez donc, jonchant les trottoirs, des groupes de petits arabes sur les peaux qui chantent, qui dansent. Et devant les cafés, ils mettent la radio, Radio Le Caire, puisqu'il n'y en a qu'une seule, à mort. Alors vous passez d'un koum, pac, tac, toum, pac, koutoum, pac, et vous oubliez ça, et vous arrivez. Vous arrivez à l'école, vous avez une tête remplie de rythmes syncopés. Alors il est impossible de ne pas être doué pour le rythme après avoir vécu une jeunesse comme ça. On imagine très bien la scène de film. Hein. Il a un véritable don d'évocation, Claude François. Alors, quand il est petit, il prend donc des cours de violon. Il n'aime pas cet instrument, mais en décembre 1944, alors qu'il est en train de jouer lors de la kermesse annuelle organisée par le cercle de la compagnie du canal de Suez, le général de Gaulle, qui est là, qui est présent, le félicite personnellement, l'encourage à continuer dans le violon. Et d'ailleurs, de Gaulle va comparer le petit Claude à Paganini. Ce sont des moments qui marquent, bien entendu. À 15 ans, il entre au lycée français du Caire et chaque jour, il se rend, après les cours, à la maison de la radio du Caire, hein, située tout près de sa chambre. Il découvre de nombreux artistes américains. Alors, c'est la grande époque de Nat King Cole, Frank Sinatra, bien sûr, Dean Martin et Ray Charles. Il aime également la chanson française, Piaf, Dario Moreno, Montand, Tino Rossi, Brassens. Il écoute aussi les chanteuses égyptiennes et bien sûr Oum Kalsoum au premier rang de toutes. Claude François est également un garçon sportif qui pratique l'athlétisme à un assez bon niveau. Il découvre aussi ses premiers émois amoureux. Il aime beaucoup les jeunes filles anglaises, même si à l'époque, ce n'est pas si simple de les approcher à cause de la partition des populations. Dans une des innombrables notes qu'il avait l'habitude de dicter, voilà ce qu'il dit en mars 77, je le cite. Hein. Il y avait des fils barbelés entre les plages, car les plages étaient hélas séparées. La plage où il n'y avait que des Français était séparée par des fils de fer de la plage des Anglais qui suivaient après la deuxième catégorie, suivie de la troisième catégorie, les Italiens, la quatrième, les Grecs, et enfin la cinquième catégorie, les Arabes, qui eux se baignaient en s'allongeant presque dans la rue au soleil. Et moi, je passais sous les fils de fer barbelés, par la mer, au risque de me faire coincer, surtout de me faire attraper par les militaires qui surveillaient les plages, car il y avait des affrontements sanglants très régulièrement entre Égyptiens et Britanniques. Faut vous dire que ça bouge évidemment au Caire. Un soir d'août 56 se déroule le bal traditionnel du gouverneur organisé pour les employés de la compagnie du canal de Suez et leurs familles. Et soudain, un employé de la compagnie arrive complètement essoufflé, éberlué. Les bureaux sont investis par la police et l'armée égyptienne est désormais commandée par Nasser. Il faut rentrer en France, dit l'employé en question. Et c'est vrai que quelques jours plus tôt, Nasser, devenu président de la République d'Égypte, a nationalisé le canal. La famille François fait donc ses valises à toute vitesse et deux jours plus tard, le 17 août, elle embarque sur un pétrolier suédois. Voilà ce que nous dit Fabien Lecoeuvre dans Claude François, 14 284 jours. Avant de monter à bord, les occupants sont fouillés minutieusement. Pour les Égyptiens, les Français ne doivent emporter aucun objet de valeur, aucun bijou dans les valises. La consigne est formelle, sous peine d'emprisonnement et sans autre forme de procès. Le jeune Claude François est traumatisé à l'idée de tout laisser derrière lui, ses disques, ses livres, ses photos, jusqu'à sa médaille de baptême. Au moment de monter à bord, Madame François se voit même confisquer son alliance et sa bague de fiançailles. Traversée effroyable, éprouvante, avec en plus une tempête qui donne à tous les passagers le mal de mer, notamment au jeune Claude. Et après trois jours, on arrive donc au Havre, où il pleut. J'allais dire, comme d'habitude, c'est pas gentil, parce qu'il peut faire beau de temps en temps au Havre. Personne, évidemment, n'attend tous ces réfugiés. En France, ils n'ont ni famille, ni amis, ni argent. La famille reçoit une proposition de retour en Égypte, parce que le pays souhaite quand même réorganiser le trafic maritime du canal de Suez. Mais pour être réemployé, il faut choisir la nationalité égyptienne et la religion musulmane. Et ça, il n'en est pas question dans la famille. C'est donc en France que Claude François va réaliser son rêve de devenir artiste. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez la jeunesse de Claude François. On vient de le vivre. Il a été expulsé d'Égypte avec sa famille après la nationalisation du canal de Suez. Il arrive en France à 17 ans. Alors quelle relation Claude François va garder avec sa terre natale. Est-ce qu'on trouve des traces de Claude François aujourd'hui en Égypte ? Oui, incontestablement. C'est en 62, il va sortir le Naboot Twist, un twist en arabe qui signifie le twist du bâton. Mmh. On y reviendra. Et puis surtout, en 78, il va chanter, vous savez bien, Alexandra, qui fait directement référence à sa terre natale. Mais contrairement à Dalida, qui, elle, est restée vraiment une star dans son pays, on ne peut pas dire que l'Égypte ait été adepte de Claude François. Depuis 2005, la ville d'Ismaïlia a quand même donné le nom de Claude François à la rue où il a passé son enfance. Ah, quand même. Mmh. Alors après avoir débarqué au Havre, donc la famille s'en va à Paris, au siège de la compagnie du canal de Suez, pour essayer d'obtenir de l'aide. Les banques nationalisées ont gelé les avoirs de la famille. Il faut savoir également ce qu'on pourrait faire pour éventuellement retourner en Égypte. Seulement les semaines passent, un retour au pays semble de plus en plus incertain. La France, qui à l'époque est en pleine guerre d'Algérie en plus, n'a pas tellement l'intention d'entrer en conflit avec Nasser, est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Il y a eu évidemment la grande crise de Suez et tout ça, je vous passe les détails. Finalement, la famille François va trouver refuge en principauté de Monaco, à Monte-Carlo. La sœur de Claude, qui a 3 ans et demi de plus que lui, vit là avec son compagnon. Et après une installation provisoire dans un hôtel, le père, Aimé François, va acheter, grâce aux indemnités d'expulsion du canal, il va acheter là un petit appartement. Et très vite, Claude, qui échoue à la seconde partie de son bac et abandonne ses études, Claude s'inscrit au Conservatoire de musique de Monaco en classe rythmique. Il remporte tous les prix, tout en faisant par ailleurs des petits boulots. Il est livreur dans une épicerie, il est veilleur de nuit, standardiste dans une compagnie d'assurance, serveur dans un bar de Beau Soleil. Ah, tiens. Et en juin 58, il est engagé pour la période de l'été comme batteur au sein de l'orchestre du club de Radio Monte-Carlo. C'est Aimé Barilli qui dirige cet orchestre. Et un soir, son père vient à une soirée animée par l'orchestre. Il ignore complètement son fils. Aimé François fait comme s'il ne le voyait pas. Et là, Barilli s'approche de la table d'Aimé François et lui dit « Monsieur François, nous partageons deux choses, le même prénom et votre fils qui a la même passion que moi, la musique. Alors, permettez-moi de vous offrir le prochain air. » À la rentrée de septembre, Claude François sera engagé comme percussionniste dans l'orchestre de l'hôtel provençal de Juan-les-Pins. Ensuite, on le verra au Sporting Club de Monaco. À l'été 59, il travaille dans une boîte de nuit à la mode de Saint-Tropez, le Papagayo. Il y croise alors toutes les célébrités de l'époque. Vous imaginez, 59 à Saint-Tropez. Ouais. Il y a là Sacha Distel, enfin, il y a tout le monde. Et depuis plusieurs mois, c'est la chanson qui l'intéresse. Il prend des cours de chant, il fait des vocalises, il s'inscrit dans un cours de yoga pour essayer de travailler sa respiration et il commence un peu, il débute, si l'on peut dire, dans le répertoire de Charles Aznavour, de Gilbert Bécaud, mais aussi de Sinatra, de Ray Charles. Et quelques temps plus tard, Claude François va rencontrer une jeune danseuse, Janet Walacott. Elle travaille à la Société des Bains de Mer à Monte-Carlo. Ils vont se marier un an plus tard. Le couple est un couple assez difficile. Il faut dire que Claude est vraiment très compliqué. Il est jaloux, colérique, il ne supporte pas que sa compagne puisse lui faire de l'ombre dans une carrière qu'il imagine déjà toute tracée. Il a notamment une obsession qu'il juge nécessaire pour sa réussite prochaine, c'est refaire son nez. Opération réalisée quelques mois plus tard, alors que par ailleurs le couple manque cruellement de moyens et vit dans un petit appart tout à fait délabré et sans salle de bain à Montmartre. Bref, tout ça ne va pas durer longtemps. Janet est danseuse à l'Olympia. Elle va tomber amoureuse de Gilbert Bécaud. Et elle va quitter Claude pour Gilbert. Et n'est-ce pas lors, ça, on s'en souvient. Lors de son mariage, son père est là, lors du mariage avec Janet. Mais en fait, les deux hommes sont en froid. Ils ne se reparleront jamais. Car le 19 mars 1961, Aimé François meurt des suites de graves complications pulmonaires. Il ne s'est jamais remis, si vous voulez, de ce départ de l'Égypte. Il a sombré dans la dépression. Et en septembre 61, Claude François passe une audition importante. Il fait écouter 4 chansons à Jean-Jacques Tilquet, qui est le directeur artistique de la maison de disques Fontana. On ne peut pas dire que Tilquet soit tellement emballé, notamment par le nom de Claude François. Le public à l'époque veut des noms à résonance anglo-saxonne. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers, etc. Et puis le public veut du rock. Néanmoins, Jean-Jacques Tilquet accepte que Claude François passe une deuxième audition. Évidemment que Claude François est déçu, mais il s'accroche. Il n'est pas du tout du genre à renoncer. Il va donner des leçons de danse. Et il trouve également un emploi au Caramel Club, qui est un club parisien fréquenté par la clientèle la plus chic de Paris. Il joue de la batterie, de la tumba au sein d'un groupe qui s'appelle les Gamblers. Et il chante, parce qu'il chante constamment. Et finalement, après la deuxième audition, il va signer en mars 62 un contrat pour 5 ans avec les fameux disques Fontana. On peut dire là que sa carrière de chanteur commence. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Claude François. Ce dimanche marquera les 40 ans de sa disparition. Vous avez commencé cette émission en 1962 avec la sortie de Belle, Belle, Belle, la première fois. C'était sur Europe numéro 1. Nous sommes maintenant en 62. Il vient de signer un contrat de 5 ans avec la maison de disques Fontana. On est juste avant, si vous voulez. Hein. Et il y a un premier 45 tours qui sort sous le pseudonyme de Coco. Le Naboot Twist, donc le twist du bâton en arabe. Le vinyle est tiré à 10 000 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup pour l'époque. 4 titres, donc ce Naboot Twist, Ne t'en fais pas mon vieux, Alibaba Twist, et puis la reprise du titre Un clair de lune à Maubeuge de Bourvil. Claude François espère beaucoup de ce premier 45 tours, mais il espérait trop. C'est un échec, disons les choses. Les programmateurs de radio ne s'y intéressent pas. Même si lui-même, Claude, fait imprimer et coller un millier d'affiches avec la photo du 45 tours, notamment dans toute cette région de Saint-Tropez, hein, où il va se produire de nouveau, d'ailleurs, avec les Gamblers au Papagayo à l'été 62. Et à la rentrée, son dernier espoir, c'est cette chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Belle, belle, belle. Belle, belle, belle. C'est ce que nous dit Evelyne Buggy, justement, dans Claude François, j'y pense, et puis j'oublie. Un jour, Jean-Marie Perrier, le photographe de Salut les copains, aperçoit Claude dans les couloirs d'Europe 1. Il faut absolument que je voie Daniel Philippe Aki, j'ai un disque à lui faire écouter. Jean-Marie Perrier comprend tout de suite que ce garçon qu'il ne connaît pas n'a rien en commun avec ses petits loubards qui veulent profiter des relations du photographe. Il fait plutôt jeune homme bien élevé d'ailleurs. Après avoir écouté Belle, Belle, Belle dans une cabine de la station, Jean-Marie Perrier entre dans le bureau de Philippe Aki et lui fait écouter le fameux titre. La suite, vous la connaissez puisque nous avons commencé par là tout à l'heure. Énorme succès. Le disque va être programmé alors sans discontinué pendant 2 semaines dans Salut les copains. Novembre 62, numéro 1 du hit-parade. Déjà 600 000 exemplaires vendus. Ah ben on est loin du 45 tours de 6 mois plus tôt. Oui, voilà. Et voilà que le 18 décembre 62, à la demande donc du patron des programmes d'Europe 1 à l'époque, Lucien Maurice, Claude François est en première partie du Musicorama de Dalida, grande émission en direct qui à l'époque réunit la France entière, on peut le dire. Cette année 1962 marque donc le début de la consécration pour Claude François, comme il le chantera si bien 15 ans plus tard. Bonjour Jean-Pierre Bourterre, merci infiniment d'être avec nous cet après-midi pour évoquer Claude François à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Souvenirs, que de souvenirs, tout ça. Évidemment, cette année-là, pour vous, ça vous rappelle énormément de choses. Ah bah, oui, Claude, d'abord, je lui ai présenté des chansons. Bah, bien sûr, oui. C'est le compositeur. Donc, avec Evelyne Buggy, on a été lui montrer des chansons et qu'il a bien accepté. Et puis surtout... il y en avait une qui était en quatrième face sur un super 45 tours et c'est celle-là qui a démarré tout. Je me souviens même plus comment elle s'appelait la chanson, mais en tout cas, c'est ça ce qui a déclenché, quoi. Ce que vous me disiez tout à l'heure pendant une interruption, c'est que Claude François avait bel et bien l'intention de retourner sur les lieux de cette enfance si heureuse au bord du canal de Suez. Il voulait repartir pour l'Égypte. Il avait les billets au moment où il meurt. Et vous aviez vu ça, vous ? Ben oui, j'ai vu. Vous deviez participer. Ben oui, parce qu'il voulait m'emmener avec ma femme. Il voulait qu'on aille voir où il était. Il voulait qu'on aille voir la maison et tout ça. Il voulait vraiment qu'on y retourne. Il y avait les billets. On devait partir dans la semaine qui a suivi sa mort. Donc au moment où il meurt, il était en partance pour l'Égypte. Ah, oui, dans la semaine, il a sûrement... Je ne me souviens plus quel jour exactement, mais c'était, on avait les billets, je vous dis. Ah, c'est quand même, là, c'est vraiment ce qui s'appelle un signe du destin. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Je parle du destin. On peut dire que toute la carrière de Claude François est une carrière chargée de symboles. C'est l'homme du destin, du fatum, d'une certaine manière. Ah oui, absolument. Là, je vous entendais raconter son enfance. On a de très belles archives à Europe 1 dans l'émission Le pays d'où je viens. Et en effet, je pense qu'il est d'un pays où on y croit au destin. Et à travers toutes les archives, il y en a énormément sur Europe 1. Je peux vous dire qu'on suit sa carrière. Alors, on va venir dans un instant justement à ces archives. Vous allez nous faire revivre en quelque sorte le Clo-Clo d'Europe 1 qui a eu quand même son studio, quand je dis son studio, son appartement ici même à une époque, hein, tellement il passait de temps dans la maison. Oui, il a tout fait. Il a animé des émissions, il a participé à des émissions, il a chanté dans des émissions, il a appris à danser des danses à la mode dans les émissions. Il a tout fait sur Europe 1. Vous avez été son directeur artistique, vous, Jean-Pierre Bourterre. Oui, c'est-à-dire que moi, d'abord, je lui ai fait des chansons. Et puis, petit à petit, on est devenu un petit peu plus proche. Et un jour, il m'a dit, mais finalement... Tu fais les chansons qui, surtout, que ça a bien marché. Donc, si ça n'avait pas marché, il ne m'aurait pas posé la question. Il dit, mais autant que tu restes là, moi j'ai besoin d'un directeur artistique. Donc autant que tu restes là, et puis comme ça on sera tranquille. Et puis moi je t'aiderai, et toi tu m'aideras. Donc ça a commencé comme ça. Alors, c'est-à-dire que c'est vous qui décidiez ce qu'il allait chanter ou pas, avec lui bien sûr, hein, mais vous l'aidiez, vous le conseilliez sur un plan artistique. Je le conseillais, oui, sur plein de choses, c'est parce qu'il était assez excessif dans plein de choses. Oui. Donc, au contraire, j'essayais de le retenir un petit peu de temps en temps. Chanson populaire, Le téléphone pleure, voilà. Magnolia, Forever, voilà. Et donc Alexandra dont on parlait. Ça c'est vous quand même. Oui, bien sûr. Mais Le téléphone pleure, ça a été aussi un phénomène incroyable. Pendant une année... Ça a battu tous les records de vente en très peu de temps. Enfin, on vendait du 80 000 par jour. Par jour. Voilà. Non, mais c'est complètement inouï. À l'époque, je vous dis. Vous allez rendre malade les marchands de disques aujourd'hui. Je pense que ça, c'est sûr. Oui, non, mais c'était incroyable. Et après ça, il a fait une tournée d'été où toutes les petites filles qui avaient en vacances, elles montaient sur scène pour faire la petite fille. Ah. Et c'était incroyable. Frédéric, elle s'appelait cette petite fille. Pardon ? Frédéric, elle s'appelait cette petite fille. Oui, mais Frédéric, elle l'avait fait parce que c'était la fille de sa secrétaire, Nicole Gruyer. Donc, on avait sous la main. Quoi, si elle avait... Donc, elle a fait la petite fille. Mais après, bon, elle ne pouvait pas aller faire ça. Toute la tournée, bien oui, sûr. Oui, c'est ça. Évidemment. Donc, mais toutes les petites filles qui étaient dans la salle, elles venaient parce qu'elles connaissaient ça par cœur. Ouais, c'est ce que vous avez vécu en tant que directeur artistique pendant 7 ans, compositeur, bien entendu, est tout à fait extraordinaire. On va y revenir tout à l'heure. Quand vous voyez... 40 ans plus tard, que toutes ces chansons sont encore actuellement tout à fait présentes. On les écoute dans... Il n'y a quasiment jamais une soirée dans une boîte de nuit sans qu'il en passe au moins 2 ou 3. Ça doit vous faire plaisir quand même. Ça me fait très plaisir et ça me fait plaisir pour lui qu'il est toujours là. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que beaucoup d'autres chanteurs ont disparu. Bon, on les connaît, mais ils ne sont pas là. Alors que lui, il est toujours là. La preuve, c'est qu'on est en train de faire quelque chose à Europe. Bah, à Europe, c'est un peu la moindre des choses. Mais parce qu'à Europe, il était chez lui, comme va nous le montrer Thierry Geffrotin dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Claude François, une émission nostalgique et musicale avec Thierry Geffrotin, qui est journaliste au service culture d'Europe 1, et Jean-Pierre Bourterre, qui est compositeur, ancien directeur artistique et principal collaborateur de Claude François. En fait, on peut dire que Claude François et Europe 1 sont un peu indissociables, Thierry Geffrotin. Ah oui, il y a quelques artistes comme ça, Dalida. Dalida, bien sûr. Évidemment. Et puis Georges Brassens, c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup d'archives. Et Bourville aussi, on pourrait dire, dans un autre registre. Et Coluche. Et Coluche. Et voilà. Bien sûr. Voilà. Mais on a fait les cinq doigts de la main. Les cinq doigts de la main. Mais avec Claude François, on a quand même, j'allais dire, tous les doigts de la main, en effet, puisqu'il a été présent sur Europe 1. La première archive que j'ai trouvée, c'est 1963. Celle que je vous propose pour entrer dans le monde des archives, c'est un tout petit jingle qu'il a fait pour l'émission Salut les copains. Alors en fait, il a pris tout simplement une de ses chansons, Le temps des pleurs. Il a seulement changé les paroles et ça donne ça. Et voilà, c'est SNC qui recommence. On va rire, on va chanter et s'amuser. Voilà, le temps des pleurs qui devient un indicatif pour Salut les copains, c'est chic. Hein. Voilà. Et puis, je vous dis, Salut les copains, il était même invité par Daniel Filipacchi pour animer l'émission. Et quand je dis animer, on sait que ce que voulait à l'époque Lucien Maurice, c'est qu'on entende beaucoup de chansons dans Salut les copains, assez peu de bavardage, dirons-nous. Mais quand c'est Claude François qui anime SLC, évidemment, on a envie de l'entendre nous parler de sa vie. Et c'est le cas. Alors, j'ai pris un tout petit bout hein, d'une émission où il rentre de Las Vegas, il était avec le photographe Jean-Marie Perrier. Alors à l'époque, il y a aussi le magazine Salut les copains, tout ça, vous savez, c'est bien fait. Hein. La maison, elle arrive à parler d'elle-même, elle vend des magazines. Alors écoutez un peu ce qu'il nous raconte sur Las Vegas. Il y a Lucien Maurice derrière. Hein, il y a Lucien Maurice qui est là, pas loin. Hein. Vous vous imaginez quand vous êtes sur cette avenue, quand vous me regardez là, que je suis assis avec des cartes à jouer, qu'à droite et à gauche, chaque 20 mètres, on peut tourner, ou à gauche ou à droite, et chaque 20 mètres, il y a un cabaret où se produisent un petit peu, on peut voir le premier cabaret Frank Sinatra, le cabaret qui suit Sammy Davis Jr., celui qui suit les Beatles, celui qui suit, enfin n'importe quoi. Il y a des grands cabarets avec des vedettes énormes, vraiment les plus grands noms. Une voix assez extraordinaire, Jean-Pierre Bourterre, une voix intensément juvénile, mais qui n'était pas forcément destinée à la chanson quand même. Non, bien sûr, mais même le personnage... bien habillé et tout ça, alors que tout le monde était vraiment... Donc tout ça, c'était assez étonnant. Mais il a fait en sorte que c'est devenu une star. Quoi. Et en même temps, il était, comme vous dites, toujours tiré à quatre épingles avec beaucoup de paillettes et de papillons, oui. Mais jamais ringard, hein, tout à fait dans l'air du temps quand même. Hein. Il n'y avait pas le côté chanteur pour vieille dame, pas du tout en fait. Oui, hein. Non, bien sûr. Non, c'était même pour petite fille. Plutôt pour jeune fille, oui, en fait, c'était ça. Elles étaient là, toujours en grappe derrière lui. Devant le bureau et devant chez lui, ils étaient toujours là. Et moi, j'habite à côté de Montfort-la-Maurie, et il y a une fille qui était déjà une fan et qui habite pas très loin et que je vois régulièrement et qui me demande des trucs. Et puis actuellement, ils font, pour le 11, là, ils ont pris un chapiteau et elle fait venir plein de fans pour faire le... Non, ils sont toujours dedans. Et elles étaient là, bien sûr, sur le trottoir de la rue François 1er. Oui, parce que votre image de genre idéal, j'y crois pas trop. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand il est sur scène, Claude François, ça devient une bête de scène. Hein. Vraiment la bête, c'est-à-dire qu'il chauffe la salle. Vous savez, il y a des chauffeurs de salle, mais avec Claude François, c'est lui-même qui s'en charge. Écoutez, on est le 9 juillet 1966. D'accord, on dit d'accord. Comment voulez-vous qu'on résiste à telle énergie ? C'est la folie. Alors, il chauffe la salle et puis il associe la salle. C'est très étonnant parce que là, c'est un extrait de Musicorama, grande émission d'Europe 1. En général, c'est très lissé. Hein. On faisait le tour de chant, il n'y avait pas trop d'intervention avec le public, à part Barbara qui intervenait. Oui. Mais lui, non seulement il fait participer le public, mais le public lui répond. Les petites filles, tu sais, méfie-toi. Vous êtes d'accord, les garçons, au moins hein ? Qu'elles peuvent nous faire souffrir à nous les filles, hein? C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles et heureuses le jour. Belles et heureuses l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Là, on est à l'Olympia en 1966. Alors, dans les archives, je ne suis pas sûr que ça soit exhaustif, mais moi, j'ai trouvé 8 musicoramas. Oui, 8 musicoramas. Le premier, c'est autour de 1964-65 et le dernier, 74. Mais je pense que comme à Europe 1, on a un service documentation archives qui est précieux, tout n'est peut-être pas numérisé. C'est-à-dire on a peut-être des bandes magnétiques qui traînent encore. Il y a peut-être plus de 8 musicoramas. Voilà, ça, c'était une grande émission. Il a participé aussi à une émission qui s'appelait Dans le vent, animé animé par Michel Cogoni. On le trouve de semaine en semaine. Il est l'invité. Toutes les semaines, il est là. On voit le phénomène que ça a représenté. Et c'est là, je vous ai dit qu'il a tout fait sur Europe 1. Il a même appris aux auditeurs à danser. Vous la gageure, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas l'image. Il y avait les nouveaux pas, des nouvelles danses à oui, chaque fois. Oui, alors des danses qu'on a totalement oubliées. Bah, oui. Alors, vous avez le surf, le Hully Gully. Et là, c'est une leçon de snap. On démarre, on va vers la droite. On fait trois pas vers la droite. Après, on va donner notre petit coup de pied. Et on revient sur la gauche. Après, on va donner le petit coup de pied. Donnez pas pour le coup de pied, là. Bon, alors. Coup de pied. 2, 3, 4. Coup de pied. 2, 3, 4. On saute. 2, 3, 4. On saute. C'est très radiophonique en même temps. Alors, on essaye de là, le faire. Je vous ai mis, parce que ça dure 20 minutes, c'est-à-dire qu'on commence sans la musique. Où il explique, on pousse les câbles. Et on... Oui, oui, il explique. Vous prenez un triangle ABC, alors vous posez la jambe ici, sans la musique. Puis après, les musiciens viennent dans le studio. Hein, c'est-à-dire que c'est très sérieux. On a une leçon de snap qui dure environ 25 minutes. Petit à petit, Claude François est devenu une star, une superstar, une hyperstar. Ah, oui, oui. Et quand il est devenu une sorte de légende vivante, il venait plutôt pour parler de lui que pour chanter. Oui, oui, oui. Alors en effet, je vous ai dit qu'il y avait une très belle archive, Le Pays d'où je viens. Il a aussi été interviewé, et ça c'est passionnant, je ne voulais pas apporter cette archive, mais où il s'entretient avec Charles Villeneuve sur grandeur et servitude du statut de star. Il dit j'aimerais bien aller au cinéma, profiter de la vie, m'attabler une terrasse de café, et ça il ne le peut pas. Lucien Maurice aussi l'a longuement interviewé, mais ce qui ressort des interviews que j'ai entendues, c'est sa vie est tournée vers le public. Vraiment, il est une star, il sait que parfois c'est difficile. Mais il pense au public. Je pense que Jean-Pierre Bourtin ne va pas nous dire le contraire. C'était l'obsession, le public ? Oui, mais quand on allait au cinéma, on rentrait quand ça commençait, dans le noir, et on partait juste avant la fin. Pour pas être, on ne peut pas faire un attroupement à chaque fois, bien entendu. Voilà. Donc, sinon, c'était deux heures d'autographe. Oui, ben oui, non, c'est pas ça. Il n'y avait pas de selfie à l'époque. Oui, mais... Non, mais surtout, il était obligé d'y partir et les gens n'auraient pas été contents. Ils râlaient pour qui il se prend. Enfin, tout, il y avait tout ce côté-là. Il était toujours tourné vers le public, penser ce que le public va aimer, oui, va vouloir. Sûr, bien, oui. Sûr, non, bien sûr. Ce public tellement présent toujours, il n'est pas seulement dans les salles de concert, il n'est pas seulement à la sortie des émissions de radio ou de télévision. Il le poursuit d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire qu'il aurait été une des premières stars traquées, Claude François? Oui, bien sûr. Il adorait ça et en même temps... Il aimait ça. Il fallait qu'il y ait les fans, mais en même temps, ça lui pesait sur le moral, évidemment. Dans un instant, avec vous, Jean-Pierre Bourtère, et avec notre Thierry Geffrotin-Maison, bien sûr, nous allons essayer de cerner le personnage, son caractère, sa philosophie, sa façon d'être et sa façon de penser. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Qui était Claude François? C'est la question que vous posez cet après-midi à vos invités, Franck Ferrand, à quelques jours, à deux jours maintenant des 40 ans de sa disparition. Ça sera ce dimanche. Vous recevez Thierry Geffrotin, journaliste au service culture d'Europe 1, et Jean-Pierre Bourtère, il est compositeur, ancien directeur artistique et principal collaborateur de Claude François. Alors, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont travaillé avec Claude François, et j'en connais un certain nombre, pour tout vous dire, Jean-Pierre Bourtère, c'est très intéressant parce qu'ils disent tous, il était fascinant, mais il était impossible. Il était impossible à vivre Non, mais il était adorable et chiant encore. Voilà. Mais en même temps, il y avait des fois il avait raison, il y a des fois il avait tort. Alors, quand il s'énervait pour un truc, moi, j'essayais de le calmer un peu en disant, mais non, mais... parce qu'il était très sensible à ce qu'on dise du mal de lui. Alors, c'était quelque chose qu'il aimait. Parce qu'il avait débuté comme ça. Il avait débuté où beaucoup de gens trouvaient qu'il était ridicule, machin. Il y avait tout ce... Puis il y avait Hallyday en face, donc c'était toujours les... Eh oui, il y a une forme de concurrence entre eux. Oui, bien sûr. Mais finalement, ça s'est bien passé. Après, ils se sont connus. Mais au départ, c'était un peu ça. Concurrence aussi avec celle qui pouvait partager sa vie. Je me rappelle l'émission que j'avais préparée avec France Gall, qu'elle m'expliquait que c'était très difficile pour Claude François de supporter la concurrence d'une certaine manière. Quand elle a commencé elle-même, ça devenait un problème en fait. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de caractère. Et quand Jean-Pierre Bourtère en parle, moi j'ai en tête une archive où Lucien Maurice lui dit « Vous n'avez toujours pas appris à danser les claquettes ». Et là, il est quasiment en colère, on est sur l'antenne d'Europe 1, hein. Il se met en colère en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez, je suis obligé de tout faire ». Parce qu'il dit aux États-Unis, un chanteur, il est aidé, il a un orchestrateur, il a un compositeur, il a une personne qui l'aide pour les chorégraphies. Moi, je suis obligé de tout faire. Et il se met en pétard. faire. Oui. Maurice, tu dis, non, mais je ne vous le reproche pas, mais comme vous nous aviez dit il y a quelque temps que vous alliez vous mettre aux claquettes, être un artiste complet, donc en effet, exigeant, mais pas marrant. Oui, et puis un caractère terrible. Vous-même, d'ailleurs, à un moment, vous avez claqué la porte, il faut le dire, Jean-Pierre Bourterre. Je suis parti pendant 6 mois. 6 mois. Et après, on ne s'est plus vu. Il téléphonait chez moi, il téléphonait chez ma femme pour demander ce que je faisais. Ouais. Voilà, pour savoir, ça va, il va bien, tout ça. Il s'inquiétait quand même. Et finalement, pendant les vacances qui ont suivi, je savais qu'il était au Martinez pour 2-3 jours, et donc je suis venu le voir pour lui dire bonjour. Et dès que je suis rentré, il a ouvert la porte, il ne m'a pas dit, tiens, c'est toi, quelque chose. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Dit, voilà, les six mois en question étaient passés entre parenthèses. Oui, en fait. Oui. Parce que là maintenant, l'été, quand c'est fini, en plein air, je finis, c'est avec des feux d'artifice. Mais l'hiver. Ça, c'était le grand podium européen, entre parenthèses. Voilà. Oui. Mais cet hiver, je vais faire quoi? Et je lui dis, tu vas faire des ballons. Ah, t'as raison. Et puis tu mets ton nom dessus ou ta tronche dessus. Et puis t'auras des ballons. T'es joli. Et en plus, c'est des ballons pendant la fin du spectacle dans la salle. C'est très bien. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis on est reparti comme si j'avais quitté la veille. Il y avait les fans qui l'attendaient partout. Il y avait les journalistes aussi et les photographes. C'était le début du phénomène des paparazzis. Sa vie privée fascinait tout le monde, il faut le dire. Oui, mais il aurait été malheureux s'il n'avait pas été là. Ah oui. Bien sûr. Alors, il avait quand même un goût pour les jeunes, les très jeunes filles, parce disons les choses. Il avait ça autour, tout le temps, en permanence, effectivement, s'il avait eu que des vieux. Mais là, il n'avait que des gentilles jeunes filles, effectivement. Mais est-ce que lui-même, et ça se ressent dans certaines interviews, etc., est-ce que lui-même n'était pas fasciné par la jeunesse et plutôt même effrayé par la vieillesse? Il ne voulait pas vieillir, Claude François. Bien sûr, évidemment, bien sûr. C'était Ramsès II. Ah, c'est ça. Ouais. C'était l'époque en plus. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais. Et en même temps, après sa mort, j'y ai pensé souvent, bien sûr. Et je lui dis, finalement, tu as été exaucé. Parce que finalement, tu seras toujours jeune, beau. Ouais. Il était magnifique à ce moment-là. Et donc, les photos qu'on a de lui, des émissions de télé, il est magnifique. On ne comprendrait pas qu'on fasse une émission. Vous dites qu'il est magnifique. Il était entouré aussi de créatures superbes, les fameuses Claudettes. Elles ont joué un rôle dans sa popularité, ces Claudettes. Hein, elles faisaient partie comme il passait son temps à chercher de faire le mieux, il avait aux États-Unis un correspondant qui lui envoyait des cassettes de ce qui se passait dans les émissions de télé. Et il y avait la Tamla. Et la Tamla, c'était tout ce qu'il aimait, les chansons. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons qui ont été faites de chez Tamla. Et il a vu la lettre danseuse. Et donc, ça lui a donné l'idée de faire des Claudettes. Il a commencé avec 2, puis après ça, il en a fait avec 4. Mais avec des chorégraphies qui étaient réglées au cordeau. Oui, bien sûr, ça, les chorégraphies. Il y avait un chorégraphe qui était là pour ça. Oui, non, mais surtout, il piquait des chorégraphies qu'il voyait aussi là, sur les trucs américains. Et puis, il en inventait. C'était un mélange de tout, mais il bossait comme un fou avec ça. Parce qu'au bureau, il avait en dessous, il y avait une cave, il y avait un sous-sol où les filles dansaient, apprenaient à danser. C'était du boulot tout le temps. Hein. On peut dire que c'était un fou de travail. Ah oui, non, mais parce qu'il fallait. D'ailleurs, l'après-midi où il meurt, l'après-midi où il s'électrocute, il était presque en retard, il devait se rendre au studio chez Michel Drucker pour enregistrer les rendez-vous du dimanche, en fait. Pour aller enregistrer Alexandrie. Et il devait chanter Alexandrie. Voilà. Il devait vous chanter, vous interpréter, si je puis dire. Oui. Ça a été une disparition phénoménale. On n'imagine pas ce que ça a pu être à l'époque. La France entière était électrocutée, si j'ose cette expression. C'est simple. Ce jour-là, Europe 1 arrête ses programmes. Complètement. Envoie des reporters boulevard Suchet. L'antenne est bouleversée avec des interventions de personnalités, d'artistes. Vraiment, oui, comme vous le dites, je pense qu'on est du niveau de Johnny, quoi. Quand il meurt. Oui. Avec une très grande différence, c'est que c'était une surprise totale. Johnny, on l'annonçait depuis 6 mois. Total, oui. Et vraiment, alors là, j'ai réécouté de nombreuses fois cette émission spéciale. On prend conscience à 40 ans de distance à quel point ça a marqué la France, la disparition brutale de Claude François. Jean-Pierre Bourterre, j'ai l'habitude de dire à nos invités merci d'avoir été là et grand merci d'être venu, mais j'ajouterais vous concernant, bravo, car vous faites partie de ceux qui nous ont fait rêver et danser depuis tant d'années. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de faire parler de Claude et puis d'être à Europe. On va continuer d'en parler, si vous voulez bien, avec Lorena Martin qui nous emmène au Moulin, bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Quand on parle de Claude François, et c'est ce qu'on fait depuis 14h aujourd'hui sur Europe 1, on pense forcément à sa maison qu'il aimait tant, le Moulin de Dannemois. Il est temps d'aller le visiter avec Lorena Martin. Mm-hmm. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. C'est beau le Moulin de Dannemois, c'est un bel endroit. C'était bien sûr l'ancienne résidence familiale de Claude François en 1964. Donc très tôt dans sa carrière. Oui, hein. Il recherche un lieu paisible pour être à l'abri des projecteurs et de ses fans. Et il découvre une seigneurie du 12e qui devient un moulin au 15e siècle, d'ailleurs à Dannemois, un village d'Essonne. Et il souhaitait un lieu proche d'un point d'eau en mouvement. Et il va y séjourner tous les week-ends et plus même quand il le peut, de 1964 jusqu'à sa mort. Oui, alors nous n'avons pas parlé, là, ce n'est ni le jour ni le sujet, de parler de sa famille, de ses enfants, la question des enfants cachés bien entendu, mais c'est dans ce cadre-là, c'est à Dannemois qu'il faut imaginer tout ça. Hein. Oui, parce que le moulin se compose d'une grande demeure de 500 mètres carrés en pierre avec 19 chambres où séjournait sa famille et une maison américaine qu'il avait surnommée lui-même maison américaine, la grange qui était l'aile du moulin, plus petite mais qu'il préférait parce que c'était plus moderne. Il s'inspirait beaucoup de concepts architecturaux américains avec des grandes baies vitrées qui donnaient sur la piscine et même la piscine était très originale. Il avait voulu s'inspirer de la piscine d'Elvis Presley aux États-Unis à Memphis. Et il y recevait là régulièrement tous ses amis, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Sheila ou encore Dalida. Alors je me rappelle l'époque, c'était on va dire milieu-fin des années 90, où on avait régulièrement à la télévision des reportages pour nous dire le moulin de Dannemois est en train de s'effondrer, est en train de disparaître. C'est un lieu de la mémoire du XXe siècle qui s'en va. Et puis sont arrivés, j'allais dire, les magiciens, les Lescure. Les Lescure, qui étaient un couple de boulangers qui n'avaient rien à voir directement avec Claude François, ils ne l'avaient pas connu, mais ils avaient toujours admiré son parcours et ils ont entrepris des travaux colossaux. Ils se sont vraiment fiés à des documents d'époque, à tous les témoignages de proches de Claude François et tout a été refait à l'identique des années 76 et 78. Et aujourd'hui, cette maison a été transformée en musée. C'est vraiment le lieu de pèlerinage de Claude François et le domaine organise des visites, des dîners spectacles. On ne peut quand même pas y résider. On ne peut pas encore y résider, mais on devrait pouvoir y dormir à partir de, à la fin de l'année 2019, comme à l'époque de Claude François, dans les étages supérieurs de la partie moulin. Ils sont en train un petit peu de tout aménager et ils devraient accueillir une dizaine de chambres, dont 3 suites telles qu'elles étaient à l'époque du chanteur. Et les chambres donneront toutes sur le jardin, à l'anglais, ce fameux jardin que Claude François avait voulu. Voilà, ça va faire un lieu très intéressant. Très amusant pour résider. Vous avez des souvenirs, vous, à Dannemois, très nombreux, j'imagine. Mais il y avait les personnes qui avaient repris le moulin. Ils faisaient des week-ends thématiques, en fait. Oui, ouais. Et avec visite, des concerts, etc. C'est encore le cas. Il y avait une bonne ambiance pendant les week-ends à Dannemois. Avec Claude, Oui. Bien sûr, c'était là, il était détendu et puis il voulait faire plaisir à. Il était comme les Égyptiens, quoi. Il fallait montrer généreux et montrer qu'on avait ce qu'il fallait et qu'on en faisait profiter les autres, tout ça. Donc il avait une cave de vin extraordinaire, tout ça. C'est vrai qu'il a écrit comme d'habitude au bord de la piscine à Dannemois. Ce qui paraît, je n'étais pas là à ce moment-là, mais surtout la première mélodie, il n'avait pas aimé, et puis finalement ça s'était mis en route, et puis surtout ça l'a dépassé, quoi, quand sur le coup. C'est Polanka qui a tout lancé. Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bourterre. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est temps ce vendredi maintenant, Franck Ferrand, de découvrir votre coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Le 7 avril prochain, un site internet va fêter ses 15 ans. Il s'appelle La Tribune de l'Art. Il a été fondé par Didier Rickner, qui est un ancien ingénieur agronome, grand connaisseur du dessin ancien, qui est un féru d'art, de patrimoine, et qui par une passion vibrante et même sans doute dévorante, est devenu non seulement historien de l'art, mais à mes yeux, un véritable gardien du temple. Or, par la précision de ses articles, la qualité de ses contributeurs, l'étendue de ses centres d'intérêt, la Tribune de l'Art s'est imposée au fil des années comme une référence et, si j'ose employer l'expression, comme un refuge pour bien des amoureux de l'art. Alors pourquoi est-ce que je dis refuge ? Parce que, et dans les temps que nous vivons, croyez-moi, ça devient rare, Didier Rickner est un homme libre qui ne mâche pas ses mots quand il a envie de dénoncer telle dérive à Versailles, tel danger pour l'hôtel de la Marine, tel scandale au Louvre à Abu Dhabi, telle faiblesse dans une grande exposition nationale. Il le fait hardiment, sans louvoyer, sans se payer de mots. Eh bien, rien que pour cela, sa tribune, qui mérite pleinement son nom, devrait être déclarée d'utilité publique. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.